La vie de ma mère, je baisse ces gros PD. On vise la fraîche, on est obsédé. Je veux ma paire de LV pour tous les énerver. Je me rappelle plus de mon ex, je me rappelle de mon Yankee RV. Je vais te faire danser le mode zaza zinzin. Si je pétonne, je connais la SS. Hugo, je me bats les couilles de ta vie. Je te sens malin comme Manu. Que des frères égaux, pas d'amis. Si elle est lovée, on sera plus. Comptez, compter le temps, c'est plus le délire, on arrive à pile. On coupe en détail, on en parle, on bibi à la kill bill. Fou le spell copine, la rage au fond de la pupille te pile. On veut la vie de rêve, elle veut toute l'arrière à Kim Kim. Je crame ma garo et puis je respire comme si je sortais de Guantanamo. Tada Camaro, on fume avec les cernes à Navarro. Tu veux des mots doux impossibles car la rage et la haine m'ont élevé. Je me déshabille, on parle humaire, les chapirés, mon fils en élevé. Où sont les faux qu'on les calme, tu connais nos vies gros, c'est sale. C'est grâce au halam qu'on a mis des zéros sur nos salaires. Je te quente pas mon égal, on est méthodique, on fait mal. Les man, regarde-moi chez Marc comme un singe sur la planète. Singe sur la planète. Pas là pour perdre la défaite, n'est pas une option. Marre d'avoir le sourire à l'enfer. Je compte leur mettre, je compte arriver comme un ancien. Je compte partir comme un ancien. Cigare de Cuba, je te fumerai avant que tu m'embrasses comme Judas. Hiro de Puta, je te donne RTV sur le terrain. Agita. Appelle-moi AD, Unga, Unga, Unga, la haine en sac à DPD. J'ai pas d'audi, TT, j'pars pas, pas le choix, j'bibise, TT. Gala, gala, se lever, retomber, voir ma haine s'estomper. Gala, gala, bien sûr que j'pense qu'à compter, j'ai des vies à combler. Le temps passe, une bougie de plus, toujours rien à fêter. PNL petit de la porte et rejeté, rien à têter. Cette année on nique tout, Hugo, on fait le bénéf sans s'arrêter. Ouais, ni CPD ni tes amigos ne peuvent nous inquiéter. Pour la hasala isolée, pas ceux qu'on invite. Rappelle-moi ton nom après que j'ai rangé ma bite. Quelques tractions, je crache la haine qui m'habite. Je vends pas, je finis à poil, y'a personne qui m'habite. Tant de m'éloigner du halam, l'ange du mal, c'est où j'habite. Tous ces péchés doucement, je suis en train de m'immoler. Je suis pas comme eux, je ne confonds pas, je suis isolé. J'attends l'appel de personne à pas se vider en clair. Le bénéfice dans le frigo, le standard. Dans un peu de joie dans les mandats. Qui te parle de passion ou d'opi, là je vais pas t'enjailler. Fragile comme la paix, m'oblige pas d'humeur à mitrailler. J'croyais sauver le monde, pardonnez-moi, je n'y changerai rien. Dans le présent, dans le futur, j'pète une yaxe avec le dernier terrien. Gala, gala, se lever, retomber, voir ma ex